Mon oiseau migrateur blessé, par Marie-Christiane Forêt. Je sursautais. Qui venait de frapper? Était-ce le fruit de mon imagination? Prestement, je me levais, enfilai une robe de chambre, l'esprit uniquement tourné vers le drôle de bruit, qui maintenant s'amenuisait. Arrivé à la porte, une respiration courte, saccadée, me parvint alors distinctement, comme immanente d'une bête blessée, attendant là le secours humain. Sans plus attendre, j'ouvris. Elle était là, pâle et livide dans la pénombre du palier, suspendue à mon regard, quêtant quelque chose de vague et d'imprécis, guidée seulement du désir de me plaire, pour trouver quelqu'un qui l'aimait peut-être aussi à aimer. Devant moi, elle s'échappait de l'ombre, toute trempée de tristesse, l'œil craintif, perdu, comme intériorisé, se noyer dans les conflits qui naissent hélas seulement pour que la bête vive. Les cheveux emmêlés, ruisselants, s'agglutinaient, se plaquaient compacts, laissant émerger un visage oblong qui paraissait reculer sous l'assaut. Le nez droit se dilatait, hors de poussières invisibles, et respirait encore faiblement à l'endroit même où tombait, drue et coquine, une mèche, alourdie, pleurant sur des lèvres peinturées de désespoir, mais curieusement encore avide. Ce même regard, quand j'approchais, se dulcifia, illuminé, s'affermissant de ma présence. Avait-elle trouvé là, en l'instant, un palier pour se reposer? Je la vis chanceler, glisser au milieu des eaux qui s'échappaient de ses vêtements, et la recueillis flottante sur ma poitrine. Les paupières alourdies avaient muré le regard, juste le bruit des gouttes d'eau qui tombaient là et qui, jusqu'au fauteuil, rythma notre passage. Tout devint réalité dans la conscience soudaine de ce point infime qui séchait là, dans l'obscure sécurité de mes bras. Comme un cours d'eau soudainement irrigué, elle rentrait en moi, chez moi, pour abreuver des terres depuis longtemps devenues arides. Je déposai entre ses lèvres serrées quelques gouttes d'eau qui s'infiltrèrent doucement. Elle frémit, et comme l'oiseau qui vient de se désaltérer, son corps tout entier soudain s'ébroua. Plongée dans la brusque clarté de cette nouvelle aurore, elle parvint à murmurer la mélodie longtemps réprimée et qui, doucement hors d'elle-même, s'échappa. Docile, résignée, migratrice, fatiguée, solitaire, lassée, si dominée. Alors, le vent de la musique souffla doux et fort selon son commandement. L'impérieuse détresse, comme expulsée, se délogea, s'enfuit, et elle poursuivit. Qui suis-je, moi qui n'entends plus? Où vais-je? Pourquoi suis-je là? Écoutez ma propre musique comme les oiseaux. Suis-je un oiseau? Je sens comme le vent. Je suis comme l'oiseau. Mais je ne suis ni le vent ni l'oiseau. Je ne sais plus qui je suis. Elle se tue. Minuit sonna à l'horloge de l'église. 12 coups frappèrent mon être affamé de tendresse. Je m'éveillai alors, laissant traîner sur mes bras encore ouverts mon imagination, tant d'émotions. Quel étrange cheminement avait suscité ce rêve insolite? Peut-être celui m'ayant conduit malgré moi à définir, à choisir et peut-être aussi à adopter celle que je nommais encore cette nuit, mon oiseau migrateur blessé. Ainsi s'achève « Mon oiseau migrateur blessé » par Marie-Christiane Forêt.